je dois m'abandonner de toi. La première fois que j'ai vu tes fesses, il faut que je te confesse. J'ai craqué direct sur toi, pourquoi? Je ne suis qu'un homme, c'est pour ça. Au début je t'ai dit ok baby, j'ai kiffé ton style, oh yeah. Et regarde plus haut qu'en bas, moi je suis pas une fille comme ça. Sans complexe, c'est un réflexe je crois. Je dois m'avouer ça. Oh baby, je ne sais pas comment te dire ça. Oh lady, mais je dois m'abandonner de toi. Je peux pas m'en empêcher, tu le sais, mais je te dois le respect. Et tu sais c'est mieux comme ça, car je dois m'abandonner de toi. C'est pas à cause de moi, tu ne le supporterais pas. T'as eu du respect pour moi, c'est déjà ça. Et je m'en remettrai, je crois. Sans complexe, c'est un réflexe, je crois. Je dois m'avouer ça. Oh baby, je ne sais pas comment te dire ça. Oh lady, mais je dois m'abandonner de toi. Sans complexe, c'est un réflexe, je crois. Je dois m'avouer ça. Oh baby, je ne sais pas comment te dire ça. Oh lady, mais je dois m'abandonner de toi.